chez le gros Sacha. Lucien le fier, comme chaque soir passe. C'est plein loupard et de pétasses. Ça boit les bières, fume la chicha. Avec Riton, le marmiton, très tard ils mouvent avec leur bière. Et près des loups, loin de la lumière, rossent les michetons, c'est la baston. Quand revient l'heure du marchand de sable, dans la douleur, on lâche son pèse. Pour leur malheur, tous les minables se mettent à table au Père Lachaise. Il a du mou dans la cafetière, un os à moelle, il a rongé. Son biglotron l'a arrosé, il signe furax sur une pierre. Mais il est temps chez le gros Sacha de compter les fruits d'une nuit de labeur. Quelque chose lui, un œil de chat ou un diamant, ça sent la sueur. Quand revient l'heure du marchand de sable, dans la moiteur, devant les braises, ça pue le bonheur chez les notables. Tiens sur la table, les bourgeois baisent. Remets-toi, Régis. J'ai failli. J'ai fait stop promis, je pensais vous faire participer. D'une tombe sans croix, quand quatre heures sonnent, s'élève une voix douce et sensuelle. C'est pas Goldman, c'est pas Bruel, elle est woman, c'est Morrison. Come on baby, light my fire. Come on baby, light my fire. Baby, like my... Du grand loulou, c'est l'œil de verre dans la lueur de la bougie. Y'a pas de bijoux, Lucien rugit d'un geste rageur, il casse un verre. Chez le marchand de sable, soudain l'horreur, y a un malaise, un hurlement abominable. C'est mon portable, je tombe de la chaise.